franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima Sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Pourvu que ça dure, la belle aventure. Le ciel de Narbonne et les remparts de Carcassonne. Tant que tu as des yeux et le cœur sur la main, c'est déjà beaucoup mieux que si c'était moins bien. Nous dit si joliment Patrick Sébastien, notre troubadour national des temps modernes. Patrick, sacré chaud lapin à don sur le boule, comme disent nos ados. Qu'est-ce que tu dis ? Oh, ben j'ai dit ce que je veux d'abord, merci monsieur, pardon docteur. Et de deuxio, je dis ce que je veux, voilà. T'en as pris combien ce matin ? Je t'ai dit pas plus de 40 mg par jour. Mais c'est non, un antidépresseur, c'est pas fait pour maigrir. Ah ouais ! Merde ! Voilà, t'as gagné, merde. Alors, Carcassonne. Oui, pardon, Carcassonne, ses remparts... Et ses casernes pleines de militaires. C'est vrai, son cassoulet aussi. Et oui, et d'ailleurs, il n'est pas rare que nos gentils militaires bien moulés dans leur treillis moulant, eh ben, lâchent deux ou trois caisses bien senties. C'est le cas de le dire, car tout le monde le sait, le haricot blanc se fait péter. Bon, Margaret, ça suffit maintenant, s'il te plaît. Oh, mais ça va, je suis heureuse, là. Remerde, voilà, t'as regagné. Oh, pardon. Ah oui, c'est vrai, faut pas dire péter sur France Inter. Oh là là, attention, ça rate au feu rouge, on est tous normal, mais on pète pas. S'il te plaît, fais-le pour moi, calme-toi, Margaret, s'il te plaît. Ah ben, je me calme. Eh ben, je dis plus rien du tout, voilà, comme ça tu seras content. Voilà, pardon. Bonjour Damien de Carcassonne. Comment ? Quoi ? Bonjour Philippe. Docteur. Docteur. Comment ? Ben, ben si ! Bonjour Damien ! Ah ben non, oups, oh ben c'est vrai, j'ai plus le droit de parler, mais je suis poli. Voilà, je voulais votre avis sur un médicament que je prends pour dormir. C'est sans ordonnance, mais je ne sais pas si c'est bon. Écoutez, si ça marche, c'est l'essentiel, Damien. Vous avez des problèmes de sommeil. Ben oui, c'est pour des trucs pour dormir. Oui, en ce moment, c'est une période un peu stressante, hein, avec tous ces changements. Enfin bon, de toute façon, on se moque toujours de moi dès que je parle de mes problèmes. On me dit que ce sont des problèmes de riches, du coup, j'ose rien dire et je garde tout pour moi. Ben écoutez, vous pouvez tout nous dire, en tout cas, et c'est pas parce que vous avez des problèmes de riches, et bien que ce ne sont pas des problèmes, Damien. C'est vrai que depuis qu'on a changé de gouvernement, avec toutes ces histoires de baisse de salaire des dirigeants et de nouveaux barèmes pour l'ISF... Ben oui, ça c'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression que les gens s'imaginent qu'en rendant les riches moins riches, les pauvres seront moins pauvres. Ce qui est faux, hein, puisque s'il n'y avait plus de pauvres, eh bien, il n'y aurait plus de riches non plus. Et alors là, tout le monde se retrouverait gros gens comme devant, comme disent nos ados. Non ? Oui, oui, si. On fait très attention. Hein. Rien n'est à mon nom, tout est au nom de ma société. Hein. J'ai largement de quoi tout acheter comptant, mais je prends des crédits pour que mes résidences secondaires ne soient pas comptabilisées dans l'ISF. Ah oui, bah, écoutez, c'est bien ça déjà, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Oui, ne vous inquiétez pas, je connais. Bon, bah, écoutez, c'est tant mieux. Non, hein. Par contre, je refuse catégoriquement de quitter la France, comme me le demande mon épouse. Eh bien oui, je sais bien, on l'aime malgré tout, notre pays. Ah, oui, surtout, on déteste la Suisse, hein. Non, mais quel ennui. Ah, je vous trouve très dur, là, Damien. Il y a des endroits merveilleux en Suisse, notamment au bord du lac. Il y a des petites montagnes, comme on n'en trouve plus en France. Il y a un petit côté France d'il y a une cinquantaine d'années. Vous voyez, un peu comme la Croatie et la Côte d'Azur. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, rien, je dis rien, je... En plus, c'est pas de ma faute hein, si je suis riche. Puisque même avant de créer ma société, j'étais déjà riche. J'ai une fortune personnelle. Bon, et ben alors arrêtez de culpabiliser, mon vieux. Ah ben non, normalement, c'est moi qui le dis, ça. Oui, bah écoute, Marga, maintenant, si t'as des choses à dire, tu les dis. Ah, je peux parler, alors ? Oui, c'est toi qui veux plus parler. C'est toi qui dis. Bon. Alors, Damien, arrêtez de culpabiliser, mon vieux. Ben oui, c'est ce que votre mari me disait. Oui, seulement là, c'est la psychothérapeute qui vous le dit. Oui, d'accord, ben je vais essayer. Sinon, je trouve que c'est bien, par exemple, pour la symbolique, que les grands patrons du public ne soient pas payés plus que 20 fois le salaire minimum de l'entreprise. Ah bon ? Ah ben. Faites peur. Oui, non, mais attendez. Non, à ce moment-là, il faut une contrepartie. Quoi ? Ben, je sais pas, moi, les exonérer d'impôts. Ou bien qu'ils continuent à toucher 50% de leur salaire, même après leur départ. En quel honneur ils toucheraient 50% de leur salaire ? Ah oui, non, ça c'est vrai, c'est injuste. Bah hein, oui. Non, non. Donc ils continuent à percevoir l'intégralité de leur salaire jusqu'à leur mort. Voilà. Hein. Bon, moi je dis ça, j'ai plein d'autres idées pour que les gens ne se sentent pas complètement perdus. Mmh. Mais Damien, les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, et les retraités avec leurs 800 euros par mois, et les salariés licenciés des entreprises bénéficiaires qui délocalisent... Alors oui, oui, ils n'ont pas de problème de riches, ils ont tout simplement des problèmes de pauvres. Et vous pensez que vous dormirez mieux si vous échangez vos problèmes avec ceux d'un pauvre ? Parce que moi j'en connais que ça ne dérangerait pas. Bon, écoute Marga, là tu délires, hein. D'abord tu ne connais pas de pauvres. Si, alors si, j'en connais, il y a Roumenka qui est pauvre, il y a Yann Chouquet et il y a tous les gens de la cantine. Alors hein, tu crois qu'à 7 euros le menu, il y a des riches qui y vont toi ? Oui, ben nous on y va. Ah oui, non mais c'est pas parce qu'on est pauvre, c'est parce qu'on a des oursins dans les poches. Bon, ça va bien maintenant, tu arrêtes. Désolé Damien, un petit problème de posologie chez Margaret qui a tendance à oublier ses convictions profondes, n'est-ce pas, lorsqu'elle est au-delà de 60 mg de Porzac. N'importe quoi, c'est moi qui te le dis. Et c'est la psychothérapeute qui te le dit. Bon Damien, on peut très bien aimer la France, même de loin. Alors écoutez, partez eh bien, là où ça vous botte, et puis revenez dans 2-3 ans quand ça se sera calmé. Voilà. Eh bien, merci à vous deux. Eh bien, merci, Damien. Voilà, écoutez, de toute façon, tout va bien, puisque Saint-Ex lui-même nous le dit. Nous sommes riches aussi de nos misères. Donc, tout le monde est riche, même les pauvres. Voilà, merci à Yann Chouquet aussi pour cette réalisation. Merci. Merci à tous. Et merde à celui qui l'écoutera. Écoute, arrête. Écoute, arrête. Bon, t'as fini, là ? T'as fini, là. T'es ridicule. T'es ridicule, ma pauvre fille. J'ai appelé ma profil. Oh, ça va. À votre écoute, coûte que coûte. Pour participer à l'émission, laissez-nous un message au 01 56 40 23 95.